Bonsoir, bonsoir. Ici Jean-François Lusignan au micro. Bienvenue à l'émission Le Terminus en ce vendredi 22 février. Et comme le dit la publicité à la radio, Le Terminus, c'est votre arrêt pour le meilleur du rock indépendant et tout ce qui gravite autour. Et ce soir, on a beaucoup de produits, de nouveaux arrivages, comme par exemple du nouveau Beach Fossils, également Kim Deal, du nouveau Ice Age, mais aussi dans les trucs un peu moins nouveaux, du Hot Springs et Sons and Daughters. On va débuter avec Spite House, qui sont une formation de Melbourne en Australie, qui existe depuis seulement moins d'un an. Et en septembre dernier, sortait déjà un premier EP, qui s'appelle Spite House également, duquel on va entendre tout de suite la chanson Jungle sur les ondes de CISM. Stretching before you. 2005, australienne qui rock pas à peu près, c'était Beaches avec Halve, qui est tiré de leur EP Eternal Sphere, qui est sorti il y a à peu près en 2010. C'est ça, c'est disponible sur bandcampbeaches.bandcamp.com. Et c'était précédé d'une solide nouveauté, c'est You're Nothing, le deuxième album d'Ice Age, qui est sorti mardi dernier. Et en fait, la chanson que vous avez entendue s'appelle, quant à elle, Burning Hand. Et jusqu'à maintenant, il n'y a pas de date de tournée de prévu pour Montréal dans leur tournée nord-américaine qu'ils viennent d'annoncer. Même pas de date pour Toronto. Donc, on peut peut-être espérer que ça va s'annoncer dans les prochains jours, prochaines semaines pour Ice Age à Montréal. Ce serait vraiment très, très bien. On va continuer avec quelque chose, je vous dirais, de réconfortant. C'est les Écossais de Frightened Rabbit qui viennent de sortir leur album Pedestrian Verse. Et bon, c'est efficace, c'est pas révolutionnaire, c'est réconfortant. Comme je le disais, on écoute leur chanson Holy de Frightened Rabbit. C'est sur les ondes de CISM à l'émission Le Terminus. We'll be right back. Rushed Out to the Beach Fossils, tiré de leur tout nouvel album, leur deuxième album qui vient de paraître, Crash the Truth. Et le groupe Beach Fossils seront en spectacle mardi prochain. C'est dans 4-5 jours, ça. Donc le 26 au Île Motorie sur Jean Talon. C'est à ne pas manquer. Et c'était précédé de Frightened Rabbit avec Holy. On va poursuivre encore avec des nouveautés. Maintenant, Kim Deal, qu'on connaît surtout comme membre des Pixies et des Breeders. Maintenant, elle se lance en solo sous son propre nom, Kim Deal. Et elle vient de faire paraître deux chansons assez tranquilles. Elles s'appellent Dirty Essence et Walking with a Killer sous forme de 7 pouces qui est déjà tout vendu sur Internet. Vous pouvez quand même trouver ça en format numérique. On va entendre, nous, la chanson Walking, donc The Walking with a Killer de Kim Deal. Et pour l'instant, il n'y a pas d'autres nouvelles pour d'autres matériels, mais j'ai l'impression qu'elle va... Ce que j'ai compris, c'est qu'elle va travailler comme ça en sortant quelques 7 pouces dans les prochains mois. Sous son nouveau nom, ou son nom en fait de baptême, Kim Deal. On écoute ça tout de suite sur les ondes de CISM. Down low. jusqu'à 22h, c'est l'émission Le Terminus qui se poursuit pour le meilleur du rock indépendant. Et s'il y a une chanson que vous voulez connaître le nom, ça sera disponible sur le CISM 893 autour de 22h justement. Et venu d'entendre Airstrip avec Angry Bed qui se retrouve sur Willing, l'album qu'ils ont fait paraître au début du mois de février. Et juste avant Airstrip, c'était le défunt groupe de Gisèle Weber, The Hot Springs avec Exotica, une de leurs rares chansons en français qui se retrouverait sur leur album Rock Partouze qui est sorti autour de 2004, il me semble. On va maintenant enchaîner avec Sons and Daughters et leur chanson Breaking Fun sera suivie de We Are Wolves et une reprise de La Bolduc. Et oui, tout ça sur les ondes de CISM 89.3. Oh, c'était un trio scène locale avec tout. On vient tout juste d'entendre Panache avec Tu n'as rien vu à Hiroshima, non. Et c'était précédé d'une autre chanson avec un refrain accrocheur, La maladie de Malajub, qui remonte à leur premier album, Le Compte Complet. Malajub qui sont en pause actuellement pour laisser ses membres travailler sur des projets solo. Et il me semble qu'on devrait avoir quelque chose du côté de Julien, le chanteur, également du côté de Thomas, le claviériste, au courant de l'année, si c'est pas peut-être vers l'automne prochain, j'imagine. Et tant qu'à y être, vous avez aussi entendu, avant ces deux-là, We Are Wolves avec Il y a longtemps que je couche par terre, qui se retrouve sur un album de reprises de chansons de la Bolduc, et oui, auquel We Are Wolves a participé. Et We Are Wolves vont, quant à eux, sortir mardi prochain un nouvel album, essentiellement en anglais, il me semble. On va maintenant entendre un autre groupe australien pour ce soir. Il s'appelle Erling, et on ne sait pas grand-chose à propos d'eux, mis à part qu'ils sont de Melbourne, donc en Australie, et qu'ils ont sorti un EP homonyme l'année dernière sur Bandcamp, et qu'on va entendre la chanson de ce EP-là, Russian and Mongolia de Erling, à l'émission Le Terminus sur CISM 89.3. Ça coupe très, très sec. On n'aime pas ça dans ce temps-là. Ça nous surprend. Venez d'entendre la chanson Lights du trio de Québec Leifer, qui serait à travailler actuellement, selon leur page Facebook, sur leur premier album, parce qu'ils ont sorti en 2011 Burkina Faso, un EP de quelques chansons sur Bandcamp. Et là, donc, probablement un nouvel album ou premier album de Leifer pour cette année en 2013. Maintenant, mesdames, restez à l'écoute parce que dans quelques minutes, c'est Zika Mendes qui s'en vient avec son émission La Main Faille. Il est là en direct ce soir. Et si pour vous voulez retrouver la liste des chansons qui ont joué ce soir, ce sera toujours sur le CISM893.ca que vous allez retrouver ça également pour écouter l'émission. Sinon, archive de l'émission, leterminus.ca. On va se quitter avec la musique de Funambule qui a annoncé il y a 2 semaines leur dissolution. Ils nous ont quand même offert en 2011 un album qui s'appelle Alice, qui proposait quand même un rock francophone assez intéressant. On va entendre la chanson qui ouvre cet album-là, Alice. La chanson « 1000 poètes de Funambule ». Je m'appelle Jean-François Lusignan, je vous souhaite une très bonne fin de soirée. On se reparle vendredi prochain, 21h, pour une autre édition de l'émission Le Terminus. À bientôt.